Silence. Bonjour à tous. Bienvenue dans À l'affiche, ce nouveau podcast où vous écoutez l'épisode pilote. Je m'appelle Oasis. Vous me connaissez sans doute. Je suis, pour certains d'entre vous, je suis assez actif sur Twitter. Je suis aussi membre d'un autre podcast qui s'appelle Gamecraft, dans lequel je parle on parle de nouvelles technologies, de jeux vidéo, de high-tech. J'ai 21 ans, j'habite à Nantes. Voilà pour les petites présentations. Que dire de plus? D'après le titre, vous en êtes sans doute douté. Ça va parler entre autres de cinéma. Mais attention, j'ai pas la prétention de faire de l'analyse de cinéma ou de faire des critiques de cinéma en tant que tel. Ou peut-être que vous l'appellerez comme ça, mais moi j'aime pas ranger ce que je vais faire au rang de critique de cinéma, parce que voilà, je pense pas avoir autant l'expérience et assez d'expérience pour pouvoir émettre une critique crédible. Je vais voir assez régulièrement des films au cinéma. Là, depuis quelques mois, c'est presque... un par semaine. Ouais, c'est ça à peu près. Ça m'est arrivé de faire une fois trois, mais c'est très rare. Et justement, généralement, j'y vais seul parce que de toute façon, dans la salle, que tu sois accompagné ou seul, pour moi, c'est plus ou moins la même chose, quoi. T'es face à l'écran sur ton siège et pendant la séance c'est pas très grave, mais justement à la sortie de la séance j'ai pas grand monde avec qui partager mon avis, mes impressions sur ce que je viens de voir. Donc voilà, c'est parti, cette émission sera... vous aurez un épisode, je pense, un épisode à peu près à chaque film que j'irai voir au cinéma, où je donnerai mon impression sur le film que je viens de voir. Alors, j'avais l'idée déjà de faire quelque chose comme ça, une petite émission où je donnerai mon impression sur le cinéma, mais j'avais jamais osé me lancer avant. Et allez savoir pourquoi, je suis allé voir ce week-end, je suis allé voir le film Astérix et le domaine des dieux. Et à la sortie de la salle, j'étais là, il est bien comme film, mais j'aimerais bien en parler avec quelqu'un d'autre. Alors oui, on en a pas mal parlé dans les médias, mais j'avais pas grand monde en réel avec qui donner mon impression. Je n'ai parlé un peu autour de moi, mais ils étaient là, j'irai le voir. Sauf que je suis pas sûr qu'ils aillent vraiment le voir, et donc je me suis dit que le mieux c'était encore de parler face à mon micro et mon ordinateur, et que peut-être que certains d'entre vous apprécieraient ces petits retours, que mon avis que je donnerais sur ces films qui sont projetés dans les salles. Donc on va commencer tout de suite avec mon impression sur le film Astérix et le domaine des dieux. C'est parti. Donc maintenant on va passer sur cette première réflexion sur un film. Donc ce film c'est Astérix et le domaine des dieux. C'est un film d'animation français. Film d'animation français réalisé par Alexandre Astier. On retrouve dans les voix des acteurs assez connus. Il y a pas mal d'acteurs français assez connus. Il y a Alain Chabat, il y a Elise Moon, Laurent Deutsch, comment il s'appelle Laurent Lafitte de la Comédie Française. Oui, je trouve ça un peu ridicule comme nom, mais on est obligé de le dire, même si je sais que le CSA pèse sur Internet. Donc, en allant voir ce film, mon impression, avant d'entrer dans la salle, j'étais content d'aller voir ce film parce que j'avais lu à droite et à gauche que c'était que c'était un bon film, j'avais vu qu'il avait une bonne notation sur Allociné et sur les diverses critiques de cinéma. Mais même malgré ça, j'avais des réticences. J'avais une petite réticence parce que j'avais vu, depuis le dernier Astérix Obélix qui était bien, qui est pour moi Astérix Obélix Mission Cléopâtre, qui commence un petit peu à dater maintenant, hein. Et oui, c'était un film. Là, je parle d'un film d'animation, et là, Mission Cléopâtre, c'était un film. Mais c'est le dernier film sorti en salle qui était avec Astérix et Obélix dedans qui était bon. C'est-à-dire qu'après, il y a eu aux Jeux Olympiques que j'ai vu un bout, je l'ai pas trouvé exceptionnel. D'ailleurs, j'ai pas eu le courage de le finir. Et il y en a eu un autre qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est comment dire, qui est Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Pareil, c'est pas un film d'animation, je sais, c'est un film, mais alors apparemment il était pas trop mal. Celui-là, je l'ai pas vu du tout, mais pareil, l'auto était bien, mais pas exceptionnel. Et donc là, même si là, d'accord, les retours étaient bons, j'avais un peu de réticence en rentrant dans la salle. Donc voilà mon impression dans la salle. J'ai vu le film il y a maintenant 2 jours. En sortant de la salle, j'étais content, j'ai vu un bon film, j'avais le sourire aux lèvres, j'ai passé un bon moment. Ce film dure 1h25, il me semble, j'ai pas vu l'heure passer, l'heure et demie même, pardon, j'ai pas vu l'heure et demie passer. On passe un bon moment. Si vous avez lu la BD de Astérix et le domaine des dieux, de laquelle est tiré le pour laquelle sur laquelle le film s'est basé pour l'histoire, vous retrouvez durant une bonne partie du film, vous retrouvez l'histoire de la BD, c'est-à-dire toute la mise en situation. Alors je vais vous faire un petit résumé, ce sera plus facile. Donc on est dans le scénario classique d'un Astérix et Obélix, c'est-à-dire que toute la Gaule est envahie par les Romains, sauf un petit village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Donc ce petit village, c'est le village d'Astérix et Obélix, qui est en Armorique, qui est donc, je crois que c'est en Bretagne ou en Normandie. Et donc César, qui n'arrive pas par la force à les contraindre à s'adapter à la civilisation romaine, décide de faire construire dans la forêt qui touche ce village, décide de construire des appartements, des résidences secondaires pour les Romains. Alors quand je dis les Romains, je parle des habitants de Rome là. Ce seraient des grands bâtiments, des grandes résidences dans lesquelles les Romains pourront s'acheter un appart et venir ensuite en vacances, quoi. Ce sera leur résidence secondaire. Et César espère bien que en construisant des résidences romaines proches du village, que la culture romaine va s'étendre jusqu'à eux et les contaminer, ouais, on va dire contaminer, c'est pas mal, pour qu'ils s'adaptent et qu'ils rentrent dans le moule dans lequel César voudrait qu'ils soient. Donc voilà, c'est un pitch du film. J'aurais dû le faire un peu avant, peut-être. Donc on retrouve bien dans la description, si vous avez lu la BD. Si vous avez lu la BD, vous retrouvez dans ma description, bah forcément le pitch de la BD. C'est quasiment le même, hein. Même dans le film, hein, la mise en place de l'histoire, c'est la même, hein. L'échelle de temps est peut-être pas forcément tout à fait la même, mais on n'est quand même pas loin de. C'est quand même ça, quoi. Personnellement, quand j'ai vu la première moitié du film, c'est la BD, je me suis dit, ouais, donc là, il va se passer ça, ensuite, il va se passer ça, et comme ça pendant la moitié du film, hein. On passe un bon moment quand même, hein, je vous rassure, même en connaissant l'histoire. Mais ça permet de voir qu'ils ont quand même respecté l'histoire. Et donc jusqu'à la mise en place du scénario, c'est-à-dire jusqu'à la construction des résidences romaines dans la forêt, ça respecte la BD. Le dénouement du film respecte aussi la BD, mais entre quand on sort du synopsis du film et jusqu'à la fin du film, donc c'est-à-dire à peu près la moitié du film jusqu'à la fin, l'histoire n'est plus tout à fait la même. Le fond reste le même, c'est-à-dire que les Romains, ouais, les Gaulois, pardon, se font bien, on va dire, la culture romaine les contamine bien, mais le dénouement n'est pas tout à fait le même, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que justement, au début, tu connais l'histoire, donc tu passes un bon moment, mais là, au final, tu découvres une nouvelle résolution de cette histoire et tu passes un bon moment. Les personnages sont bons, les voix sont pas mal. Hein. Elise et Moon, on le reconnaît bien. Hein. La voix d'Elise et Moon, on la reconnaît bien. Il est très très bon dans ce film. Il joue un soldat romain, c'est vraiment pas mal. La voix d'Astérix, et les acteurs, la voix d'Astérix, l'acteur qui joue la voix d'Astérix, je pourrais pas vous dire son nom. Mais il est bon, je crois. Alors de mémoire, il me semble que c'est la même voix que les dessins animés Astérix. J'ai la liste des acteurs sous les yeux, des voix françaises sous les yeux. Je pourrais pas vous dire lequel c'est, même en ayant la liste d'acteurs sous les yeux. Je sais pas. Peut-être que certains d'entre vous seront là, mais oui, c'est machin, mais moi, désolé, je l'ai pas. Il est plutôt bon. On retrouve bien les gags des BD d'Astérix, l'esprit des BD qu'on retrouve dans les BD est plutôt bon. Il y a toujours des gags, c'est des jeux de mots à deux balles, des vannes pas drôles, mais enfin des jeux de mots pourris, mais moi qui me font rire et qui font rire dans la salle où dans la projection où j'étais, ça a fait rire la salle en règle générale, donc c'est plutôt bon. Si vous avez aimé les derniers. Si vous avez aimé les BD, vous vous ennuierez pas. On passe un bon moment. C'est pas qu'un film pour enfants. On pourrait se dire, vu que c'est un film d'animation, que c'est un film que pour les enfants. Mais non, hein, ça plaira aux enfants comme aux adultes. Hein. Il y a des références pour des adultes que les enfants percuteront pas parce que c'est trop jeune, c'est pas de leur âge, mais c'est quand même bien. Où il y a des petits running gags, des petits trucs ou des petits pas des ouais je vais appeler ça des Easter eggs, le mot est mal employé, mais des petites références cachées qui sont plutôt bonnes. Les gags sont bons, on retrouve bien les Gaulois qui se tapent toujours dessus. Obélix va toujours chasser les sangliers et taille toujours des menhirs. Astérix boit toujours de la potion magique. Ah si, il y a maintenant que j'y pense en faisant le tour des personnages. Dites-moi hein, dans les lors des quand vous faites des retours, si... pour ceux qui ont vu le film et qui auront la gentillesse de me faire des retours, dites-moi ce que vous aurez pensé de la voix de Panoramix. Alors, elle colle au personnage, mais pas autant que ce que je pensais. C'est-à-dire que, ouais, moi, je pensais à une voix un peu de. C'est méchant, mais une voix un peu de papy, quoi. Une voix d'un sage posé, calme, mais en même temps qui te met en confiance. Et c'est pas tout à fait ça. Moi, c'est la seule petite réticence que j'ai eue sur ce personnage-là. On le voit dans le film, mais. On le voit forcément pas mal, c'est un acteur de second plan, mais c'est pas gênant, hein, mais c'est le seul petite réticence que j'ai eu à pendant le film. Mais autrement, le reste des acteurs est bon, hein, l'histoire est bonne, vous vous ennuierez pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'esprit de la BD est là, ce sera plutôt bien. Donc voilà, cette première réflexion sur un film est faite. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires PodCloud ou par Twitter, même des négatifs, ça me permettra de m'améliorer pour la suite. Pour Twitter, vous me retrouvez par @oasis35. PodCloud, c'est alafiche.podcloud.fr. Voilà pour me retrouver pour le moment. En musique de fin, je ferai ça à chaque épisode. Je changerai de musique. Là, je veux mettre une musique, mais après, j'en changerai. Là, ça va être une reprise de Metronomy faite par PV Nova, qui est un youtubeur français très connu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère en tout cas que cet épisode pilote vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé faire ça. J'espère le refaire assez vite et que ça vous plaira encore. Donc sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, bon après-midi, peu importe le moment où vous écouterez cette émission. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut! This time's the oldest friend of mine.